Salihou. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Des responsables d'église en mairie de Bujumbura sont accusés de s'impliquer dans des actes sexuels contre les fidèles. Cela cause souvent l'insécurité dans les ménages, selon même le premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, vous l'entendrez en début de ce journal. En commune et province de Kirundo, au nord du pays, on parle de lenteur dans l'octroi de documents au service d'état civil. Ces demandeurs disent perdre beaucoup de temps à attendre. À l'hôpital général de Mwanda, en province de Ouvanza, au nord-ouest du Burundi, on parle de manque de médecins spécialistes. Il y a même du matériel sophistiqué qui malheureusement n'a pas d'utilisateur. Et au sport, la Fédération burundaise de lutte associée a organisé ce dimanche une compétition nationale à Bujumbura avec comme objectif valoriser et renforcer ce jeu au Burundi. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Des responsables d'église en mairie de Bujumbura sont accusés de s'impliquer dans des actes de sexualité contre les fidèles, ce qui cause souvent l'insécurité dans les ménages. Cela a été évoqué lors de la réunion que le premier ministre burundais a tenue cette semaine à l'intention des autorités municipales. Gervais Ndirakobucha demande à ses pasteurs de ne prêcher que l'évangile de Dieu. Lors de cette réunion, il a également été évoqué que certains Congolais perturbent la sécurité dans le quartier neuf de la zone urbaine d'Ongagara. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Certains participants à la réunion qui a été organisée par le premier ministre burundais à l'intention des autorités municipales ont dénoncé le comportement de certains Congolais qui s'impliquent dans l'ivresse pendant la nuit dans le quartier neuf de la zone urbaine d'Ongagara, ce qui cause plus souvent l'insécurité dans cette localité. Ils ajoutent que même les jeunes Burundais de ce quartier ont adopté son mauvais comportement et beaucoup d'entre eux ont déjà abandonné les études. À cette question, le premier ministre Gervais Ndirakobucha a demandé à l'administration municipale de faire tout possible afin de trouver solution à ce problème du fait que la jeunesse burundaise est le pilier du développement dans l'avenir. Lors de cette réunion, certains fidèles des églises protestantes ont révélé les actes de sexualité qui sont commis par certains responsables des églises, ce qui provoque les fidélités dans les ménages. L'un de ces chrétiens témoigne qu'il y a certains pasteurs qui proposent les jeunes filles de les églises une somme de plus de 2 millions, ce qui freine le développement dans les églises en particulier et dans le pays en général. À cela, le premier ministre Gervais Ndirakobucha met en garde ses responsables des églises qu'ils seront punis conformément à la loi. Gervais Ndirakobucha les exhorte de ne prêcher que l'évangile de Dieu. Merci Vianney. Des demandeurs de services à l'état civil en commune et province de Kirundo, nous sommes au nord du Burundi, se plaignent de la lenteur observée dans l'octroi et obtention de documents. Ils disent qu'ils passent beaucoup de temps à attendre ces documents, ce qui paralyse leurs activités au quotidien, et de proposer qu'il y ait enregistrement numérique de ces documents. L'administrateur communal de Kirundo indique que cela est dû à une faible connexion Internet et à une quantité insuffisante d'ordinateurs pour effectuer ce genre de travail. Le point avec Agnès Naumagazé depuis Kirundo. Comme l'indique ce qui demande les services de l'état civil à Kirundo, l'enregistrement d'une seule personne peut prendre presque une heure, ce qui fait que le nombre de ceux qui sont servis par jour diminue et que cela paralyse leurs programmes et leurs travaux, étant donné qu'ils ont besoin de ces documents pour les présenter dans d'autres services. Ils ont en outre ajouté qu'il arrive des fois où ils se présentent à l'état civil 3 jours en attente de ces documents. Ils demandent à l'administration qu'il y ait la rapidité dans l'enregistrement numérique de ces documents. Viator Abimana, l'administrateur de la commune Kirundo, indique que la lenteur dans ce service est due à une faible connexion Internet et à une quantité insuffisante de machines, car seules 2 machines disposent ce logiciel. Il a en outre ajouté qu'ils vont multiplier ce logiciel dans d'autres machines pour faciliter le bon fonctionnement de ce service de l'état civil. Depuis Kirundo, Agnès Naumagazé pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page santé pour vous dire que les responsables des hôpitaux et des centres de santé devraient recruter des infirmiers et des docteurs qui manquent au lieu d'attendre ceux qui seraient envoyés par l'État. C'est la réponse qui a été donnée par le ministre de la Santé publique et de lutter contre le sida jeudi lors d'un échange avec les habitants de la province de Bouvanza. Cela étant, l'hôpital général de Mpanda n'a pas de médecin spécialiste. Du matériel est sophistiqué disponible à cet hôpital n'a pas d'utilisateur. Spes Caritas Kabanyana. À l'hôpital général de Mpanda, il n'y a pas de médecin spécialiste pour pouvoir exploiter du matériel médical sophistiqué comme électroencéphalogramme, électrocardiogramme et autres. Lors d'un échange entre le ministre de la Santé et de lutte contre le sida ce jeudi avec les habitants de cette province, le manque de médecins et d'infirmiers est un problème qui a été soulevé par les responsables sanitaires, même par les autorités provinciales. Cléophas Nizguimana, gouverneur de Bouvanza, a déploré le fait que cet hôpital général de Mpanda, qui a commencé avec 15 médecins généralistes, ne reste qu'avec 3 médecins aujourd'hui. Il a également précisé que l'hôpital de Bouvanza n'a qu'un seul médecin. De son côté, le directeur général chargé des ressources humaines au ministère de la Santé publique a précisé que les médecins spécialistes sont rares et que chaque fois que l'État a voulu les recruter, il n'a trouvé personne et il a appelé l'hôpital général de Mpanda à les chercher et à les engager. Docteur Sylvie Nzaimana, ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, a elle aussi appelé les hôpitaux et les centres de santé à recruter le personnel qui lui manque et à traiter au même niveau tout le personnel, ceux engagés par l'État et ceux engagés par les hôpitaux et les centres de santé au point de vue des salaires. Nous disons merci à Spes Caritas Kawanyana. Il s'observe un manque de livres et autres matériels scolaires dans certaines classes des écoles fondamentales et techniques de la province de Mwaro. Les autorités administratives sont au courant et déplorent les faits. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique dit que ce problème est connu. Il précise que dans les années à venir, cette situation va trouver solution. François Abzalimana a ajouté que l'enseignement technique est aujourd'hui prioritaire car, selon lui, il contribue à réduire le chômage chez les lauréats des écoles. Les précisions de Laurent Nicoulio depuis Mwaro. Selon Chiza Atanase, chef de cabinet du gouverneur de la province Mwaro, un problème de livres au cycle 4 de l'enseignement fondamental est signalé. Il précise que dans les écoles techniques et les centres d'enseignement des métiers, il y a une insuffisance d'enseignants, de manuels et même de matériel. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, François Abzalimana, lors de cette réunion avec les responsables du secteur de l'enseignement dans les communes et provinces de Mwaro, ainsi que les représentants des parents, il a souligné que, comme le gouvernement a fait un effort il y a 4 ans de donner des livres aux écoliers de la première, deuxième et troisième année de l'école fondamentale, si bien qu'aujourd'hui, chaque écolier dispose de son livre, il rassure aux responsables des écoles que, dans les années à venir, ces livres du cycle 4 de l'école fondamentale seront disponibles. Quant aux écoles techniques et centres d'enseignement des métiers, le ministre ayant en charge l'éducation a précisé que de telles écoles sont à prioriser et à multiplier. Et il indique que les lauréats de ces écoles parviennent à développer leur propre métier, ce qui contribue à réduire le phénomène de chômage chez les jeunes. Il tranquillise les responsables des écoles d'enseignement des métiers et les écoles techniques qui a un projet dit passage appuyé par la Banque mondiale qui va appuyer une centaine de centres d'enseignement des métiers et quelques écoles techniques du pays en octroyant du matériel et en donnant une formation aux enseignants, les lauréats qui auront présenté de bons projets pourront bénéficier d'un financement pour leur mise en application. De moi, Laurent Dicourio, Radio Sanganilo. Merci Laurent. Au sport, valoriser et renforcer le jeu de lutte et associé au Burundi, c'est l'objectif de la compétition nationale qui a été organisée à Bujumbura ce dimanche par la Fédération burundaise des luttes et associées à l'intention des jeunes filles et garçons de différentes provinces du pays. Jean-Claude Niukuri, membre du comité exécutif, explique qu'ils vont sélectionner les meilleurs joueurs pour représenter le pays dans les compétitions internationales. Suivez les propos recueillis par Jean-Marie Mayonga. La lutte associée, c'est le jeu traditionnel ici qu'on appelle communément Omireka, qui est très connu au Burundi, qui a été pratiqué par nos ancêtres. Et la Fédération des associés au Burundi est en train de la redynamiser. Et ça va, le Burundi a déjà gagné des médailles au niveau africain. Nous avons une médaille d'or qui a été gagnée par une fille et plusieurs médailles d'argent et de bronze. Ici, localement, le jet est connu parce qu'il est réparti aujourd'hui dans 15 provinces. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme valeur ajoutée, c'est pas au sein du Burundi ou au sein de, c'est pas des communautés de ce jeu? Comme tout sport, l'élite des associés donne l'espoir à tout jeune Burundais, donne l'opportunité aux jeunes de s'épanouir et aussi de développer les talents. C'est ça que nous faisons. Du coup, ça valorise aussi la culture nationale. L'Umwereka était pratiqué et est toujours pratiqué ici au Burundi. On la valorise et on a des résultats. Et les jeunes sont motivés, les avis, et tout le monde cherche à gagner et c'est bon. La fédération a 10 ans aujourd'hui. Chaque année, on organise un championnat national. Oui, et dans le championnat national, on sélectionne toujours les meilleurs pour former l'équipe nationale. Et c'est parmi l'équipe nationale qu'on choisit ce qui représente le Burundi au compétition internationale. Ainsi s'achève donc cette édition, mais très rapidement je vous rappelle les principaux titres. Des responsables d'église en mairie de Bujumbura sont accusés de s'impliquer dans des actes sexuels contre les fidèles. Cela cause souvent l'insécurité dans les ménages, selon même le premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha, vous l'avez entendu. En commune et province de Kirundo, on parle de lenteur dans l'octroi de documents en service d'état civil. Les demandeurs disent perdre beaucoup de temps à l'hôpital général de Mwanda en province de Bubanza. On parle de manque de médecins spécialistes. Il y a même du matériel sophistiqué qui malheureusement n'a pas d'utilisateur. Et vous venez de l'entendre, au sport, la Fédération Burundaise des Luttes et Associés a organisé ce dimanche une compétition nationale à Bujumbura avec comme objectif valoriser et renforcer ce jeu au Burundi. Et voilà. À 18h passées de 11 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir.